keys. The nitro mist ain't blowing through the air. We'll be right back. confiné. Thank you. ne le prends pas mal. C'est comme ça que tu seras plus fort et que tu pourras te faire la vie. À la prochaine. Gotta go get it on.

Thank you. Thank you. Ha ha ha ha ha ha.